Nous sommes le 1er novembre et vous vous apprêtez à vous faire un grand plaisir puisque vous allez écouter La Voix des Guerriers avec mon partenaire Fred L'Homme Nouvelle Garcia. Salut Frédéric. Salut Ken, ça va bien? Un bel Halloween hier. Oh, un Halloween agréable, je te dirais Fred. Puis on souhaite que tout le monde ait eu bien du plaisir, costumé ou pas. Peut-être une petite soirée là avec madame en costume d'infirmière, peut-être. Oui, ça met de bonne humeur, hein? Madame, as-tu demandé de te déguiser en Georges Saint-Pierre pour envoyer une photo? Non, parce que quand même, là, Georges Saint-Pierre, c'est bien beau tout ça, mais quand même, je suis déjà assez pétard. Oh là là là là. Oui, non, mais si tu nous parles de Georges Saint-Pierre, effectivement, je pense qu'on a vu ça sur mmenouvelle.com, là où on apprend tout à propos du MMA, que Georges avait lancé un concours que j'ai... Oui, finalement, c'est un Guy qui donnait au meilleur costume de Georges Saint-Pierre, je pense. Je suis pas sûr, j'ai pas lu toute l'information, parce que j'avais reçu le email. Je suis abonné à GSP Fight Club, alors je reçois aussitôt qu'il y a une promotion, je le reçois par email. Puis ça disait d'aller voir le site web, que ça serait bientôt sur le site web les détails. Et par après, j'ai glissé un œil vite et il me semble qu'il donnait un gui pour autographier de Georges Saint-Pierre là, au meilleur déguisement. Oh, mais c'est du marketing, ça, c'est bien pensé. Mais nous, aujourd'hui, on va parler surtout de Strike Force, puisqu'en l'espace de quelques jours, il va y avoir deux événements successifs de Strike Force, mais il y en a un surtout sur lequel on va s'attarder, c'est celui du 7 novembre. On va également vous parler légèrement du Strike Force Challengers qui aura lieu la veille, soit le 6 novembre, mais évidemment, c'est le combat principal, Fedor Emelianenko face à Brett Rogers, dont on va discuter le plus, puis les autres combats également en carte principale sont, somme toute, intéressantes. Il y aura d'autres sujets de discussion, dont un autre événement qui aura lieu également dans cette fin de semaine-là, au Japon, le Sangoku, le 11e événement de Sangoku. Alors, on va vous en parler également, puis comme d'habitude, potin, nouvelles, tout ce qui se passe sur le MMA, on va en discuter à partir peut-être de la moitié de l'émission, quelque chose comme ça. L'important, c'est de rester à l'écoute pour ne rien manquer, puisque à un moment donné, là, on est intéressant, alors il ne faudrait pas manquer ce bout-là. Hey! Alors, Fred, on commence avec le Strike Force qui aura lieu le 7 novembre, ça c'est un gros événement quand même, digne des plus grandes organisations de MMA de tous les temps, je dirais. Alors ça a lieu à Chicago, dans l'amphithéâtre du Sears Center. Et on va une petite discussion là-dessus, là, parce que l'équipe de UFC qui couvre l'événement sur Spike TV ou bien sur Pay-Per-View, je le trouve excellente. Là, le duo Joe Rogan et son partenaire, dont j'oublie tout le temps le nom. Là, Mike Goldberg. Oui, effectivement, un duo que j'aime bien, mais bon, le trio là du Strike Force n'est pas piqué des verres non plus. On l'a vu à l'occasion des événements qui avaient lieu sur CBS, sur l'organisation Elite XC. Alors, c'est toujours le même trio constitué de Gus Johnson, ouais, Frank Shamrock et Mauro Ranallo. Bon, pour Gus Johnson, on va l'avoir à un moment donné. Vous voyez bien que je ne le connais pas pantoute, ce Gus-là. Alors, tout ce que je sais de lui, c'est que bon, je l'ai vu à deux reprises sur CBS. Et également, il couvre les événements de football, de la NFL et du football universitaire américain. Du côté de French Hamrock, bon, on le connaît surtout comme combattant. Et Mauro Ranallo, qu'on aperçoit sur Fight Network, un canal lequel vous... Vous pouvez peut-être vous abonner, c'est intéressant. Des reprises rien qu'en masse, mais quand même pour l'amateur là, vraiment solide de MMA, de sport de combat, c'est un plus. C'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est un plus. Et du côté de French Hamrock, comme analyste, il est pas mauvais. Il a une grande gueule, mais on dirait quand même, comme analyste, là, il a comme moins une grande gueule, mais un travail décent, je dirais. Ah, moi, je suis un grand amateur de Joe Rogan, tout court, alors j'y comparerai pas à l'UFC. Je veux dire que Mauro Ranallo est pas mauvais. Des fois, je trouve simplement qu'il essaye trop de nous vendre son idée quand il nous dit des fois c'est que c'est un combat entre les meilleurs dans le MMA. Des fois, je pense qu'il essaye de se convaincre lui-même, mais à part de ça, ils font un excellent travail. Oui, puis moi, l'une des équipes que j'aimais là, particulièrement, là, c'était sur les événements du Pride, là, surtout au début, avec le combattant Baz Rutten, très coloré, moi je l'aimais bien, puis son partenaire qui était Steven Quadros. Alors ça, c'est l'une des équipes que j'aimais particulièrement. Et évidemment, Joe Rogan, il est imbattable, mais quand même, Baz Rutten le frottait, je dirais. Ouais, ben d'un point de vue technique, Baz Rutten était excellent. On pouvait avoir beaucoup de insight, là, de connaissances sur le milieu du MMA, puis des techniques, là, vraiment des détails pointillés. Alors c'était intéressant avec Baz Rutten. Mais moi je dirais qu'on a la même chose avec Joe Rogan. Il me surprend des fois parce que Rogan il fait du jiu-jitsu et il fait un autre art martiaux, j'ai oublié lequel. Et des fois, Rogan m'étonne aussi avec sa précision, là. On voit qu'il a une très bonne préparation. Je pense qu'il fait de la savate. C'est-tu ça? Je suis Non. vraiment pas sûr. Non, il me semble que c'est un karaté ou un genre de combat debout aussi. Et il fait du jiu-jitsu avec Eddie Bravo. Ouais, non, mais la savate, j'aimerais ça à un moment donné qu'un Français nous explique en quoi constitue là, vraiment la savate, que je connais pas vraiment. Là, en tout cas, c'est intéressant à un moment donné d'en apprendre sur différents arts martiaux qu'on connaît plus ou moins, comme le sambo également, là, cette espèce d'art martial russe très efficace, puisque Fedor, dont on va vous parler tout à l'heure, pratique allègrement, là, ce sont des arts martiaux plutôt, en tout cas, pas assez connus, je crois. La Alors. savate, c'est pas quand tu sors l'affaire de ton tiroir quand ton gars il est pas gentil. Ah non, jamais. Non, jamais. Alors. Là. Hey! Combat principal, Fedor Emelianenko face à Brett Rogers. Ça, c'est intéressant, puisque à chaque fois que Fedor fait une apparition, on est enchanté de voir le grand champion s'exprimer dans une cage, dans un ring, peu importe dans quoi c'est toujours plaisant de voir un grand champion nous démontrer tous ses talents. Alors, Fedor face à Brett Rogers, je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de ce combat-là, Fred. Ben, moi, je veux dire que je pense j'ai lu la déclaration la plus surprenante ce matin quand j'ai lu un des entraîneurs de Brett Rogers dire qu'il pensait que Fedor, juste un instant. Oui, on est patient. Ben, moi, je vais continuer, Fred, pendant que tu vas aller faire je ne sais quoi. Bien, Fedor face à Brett Rogers. Intéressant parce que c'est deux tailles vraiment différentes. Fedor qui est le champion incontesté, à mon avis, en tous les cas, des poids lourds, de toutes les organisations, là, confondues ensemble. Peu importe, Fedor, c'est le plus grand au niveau talent, au niveau résultat, en tous les cas. 6 pieds seulement pour 233 livres. Alors, c'est vraiment un tout petit poids lourd, disons-le comme ça. Et il va affronter Brett Rogers, qui est à 6 pieds et 4, 6 pieds et 5, 265 livres. Donc, doit couper du poids pour arriver à la limite des poids lourds du Strike Force. Une portée, évidemment, qui avantage beaucoup Brett Rogers à 81,5 pouces à la portée, alors que Fedor seulement à 74. Alors, ça va être difficile de Fedor d'aller toucher Brett Rogers avec ses mains en position debout. Rogers, une plus longue portée, frappe très lourd également. Du côté des jambes, bon, Fedor, c'est pas le gars à lancer nécessairement les plus beaux coups de pied. Brett Rogers également, je pense, son talent se retrouve dans chacune de ses mains. Cogne très fort, cogne lourd, pas des mains nécessairement très rapides du côté de Brett Rogers. On le connaît très peu, Brett Rogers. Vous avez probablement vu ses deux, trois derniers combats, comme moi. On a vu celui contre Andrei Arlovski, l'autre contre Ram Humphrey, comme surnom à Bongo également, où Rogers l'a découpé tout le combat, mais où Humphrey a quand même démontré beaucoup de courage, beaucoup de cran. Le combat a duré jusqu'à 1 minute 38 du deuxième engagement, où Rogers est allé même de coups de genoux, de coups de poing. Humphrey n'est jamais tombé, mais l'arbitre avait dû arrêter le combat parce que là, encaisser des coups comme ça, s'il fallait attendre qu'il tombe, ben c'est parce qu'il allait être mort, là. Il a mangé toute une volée. Avant ça, une victoire sur John Murphy. Un combat que je ne me rappelle plus. Et avant ça, c'était James Thompson, ce pugiliste anglais, pas très talentueux, mais que les gens semblent affectionner. Et ça, je trouve ça un peu étrange. On le voit dans des organisations majeures à travers le monde, James Thompson, puis il n'a jamais donné vraiment de résultats. Et bon, ben là, on voit James Thompson avait également mangé une bonne raclée face à Brett Rogers. Thompson avait tenté d'amener le combat au sol. Rogers avait ré résisté. et l'avait knocké à 2 minutes 24 du premier engagement. Alors, côté force de frappe, évidemment, Rogers a peut-être un avantage debout, malgré que Emelianenko frappe très lourd également. Mais comme je l'ai dit précédemment, sa plus petite portée va évidemment le désavantager de ce côté-là. Mais Emelianenko est quand même plus explosif et beaucoup plus agile et rapide que Rogers, debout même. Et au sol, évidemment, Federer est un pratiquant de sambo. Également de judo a pratiqué dans sambo, c'est un grand champion du sambo qui est à peu près invaincu, a perdu un combat en 2008 là, et il avait hérité, je pense, du troisième rang du championnat mondial de sambo. Mais avant ça, il avait remporté à plusieurs reprises ce championnat-là. En judo également, un pratiquant de judo émérite en Russie. Alors, si Fedor réussit à amener le combat au sol, eh bien là, je pense que ça va être un travail assez facile pour Fedor, qui est tellement agile, tellement rapide, tellement fort au sol, et un ground and pound, là, peut punir son adversaire au sol là, avec des frappes lourdes, comme peu de bagarreurs peut se vanter. Fred, j'ai l'impression que tu es revenu. Qu'est-ce que tu nous disais à propos de Brett et de Fedor? Oui, ben désolé pour commencer, parce que faire une émission de radio avec son enfant qui déjeune à côté, ça peut faire des dégâts. Et malheureusement, ça arrive, alors c'est pas plus grave. Ce que je disais sur Brett Rogers, j'ai lu une déclaration étonnante de son entraîneur qui nous disait que il pensait que Fedor voudrait garder le combat debout, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Pas que Fedor aurait peur de garder le combat debout, mais je vois pas pourquoi Fedor voudrait garder le combat debout. Alors j'espère que Brett Rogers, il croit pas vraiment cette stratégie-là pour lui, parce que je me dirais que il va pas bien se préparer des rettes là. Fedor, son meilleur, ou ce qui va avoir le plus l'avantage contre Rogers, c'est au sol, c'est officiel. Alors moi, je vois Fedor amener ça au sol, parce que tout court, Fedor est un combattant intelligent. Alors, Rogers fait mieux de se préparer et être prêt pour les takedown defense, pas se faire amener au sol facilement, parce que sinon, il va avoir une longue soirée. Oui, Fedor combat toujours de manière intelligente, et puis c'est pas le gars à avoir un gros ego puis à tenter de prouver qu'il est supérieur à Brett Rogers debout. Loin de là, lui, il va toujours avec la méthode la plus efficace pour remporter un combat. Puis dans le cas, face à un adversaire qui a 5 pouces de plus que lui, qui a une portée de 7 pouces de plus également que lui, bien Fedor, je pense, c'est un gars intelligent, puis il va tout faire pour amener le combat au sol, puis lorsqu'il va réussir, Brett Rogers va en prendre plein la face, ça c'est certain. Oui, oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui donne une chance à Brett Rogers. Moi, je vais dire que quand je l'écoute parler, il a de l'air à prendre sa chance comme un homme, puis il va être game. J'ai pas un autre mot pour décrire ça, mais il va rentrer, je pense, puis il va prendre son courage à deux mains et y aller avec tout son cœur. Malheureusement, ça revient au fait que Fedor, c'est Fedor, et Rogers, il a tout simplement pas l'expérience et tout. Je vais lui donner tout le crédit de montrer le courage qu'il a, puis lui, il a rien à perdre, à vrai dire. Alors, c'est la meilleure façon de voir le combat, si on est Brett Rogers, c'est de se dire « J'ai absolument rien à perdre. La première défaite que je pourrais subir dans ma carrière, ben ça sera contre Fedor, qui est le numéro un. » Alors, ça sera pas une grosse tâche. Effectivement, il n'y a rien à perdre, sauf peut-être des dents et puis une qualité de vie par après. Parce que Fedor, là, il frappe avec tellement de virulence quand il est par-dessus vous. Là. Moi, j'ai pas en mémoire beaucoup de combattants qui frappent aussi lourd que lui au sol. Brock Lesnar, on l'a vu amener des combattants au sol, mais jamais aussi avec autant de puissance que Fedor Emelianenko au sol. Et même debout. Même debout, ouais. On sent ses points, là, ils sont pesants à Fedor. C'est quelque chose pour vrai pour un gars de 220, 225 livres, là, et les coups de poing, ils rentrent fort. Oui, je me souviens d'un combat face à Heath Herring pour le Pride, ça c'était en 2002, où Fedor avait frappé Herring avec tellement de puissance, là, l'arbitre avait dû arrêter le combat suite à une coupure à ce moment-là. Herring a réussi à faire 3 engagements face à Brock Lesnar. Oui, il était pas beau à fin, mais quand même avait atteint la limite. Alors vraiment, là, Fedor, vous voulez pas vous ramasser avec lui au sol, surtout si Fedor est par-dessus vous. Puis même en dessous, Fedor là, a des techniques de soumission assez remarquables, a soumis plusieurs combattants dans ses combats récents. Évidemment, les deux, soit Rogers et Emelianenko, leur dernier adversaire, c'est Andrei Arlovski. Les deux l'ont mis KO assez solidement. Du côté de Rogers, encore plus expéditivement, en 22 secondes seulement. Fedor avait eu un peu de difficulté face à Arlovski en début du combat, je dirais debout face à Arlovski, mais à un moment donné, lorsqu'il a trouvé l'ouverture, eh bien là, il l'a atteint, puis ça en était fait. Mais Arlovski est beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile que Rogers. Alors je pense que Fedor va avoir des portes beaucoup plus faciles. Il va avoir plus de portes pour plus d'opportunités pour aller chercher Rogers et l'amener au sol. Ouais, ben, je sais pas si Arlovski est un bon test pour comparer les deux, parce que Arlovski, dans la dernière année, a perdu beaucoup de confiance, je pense, en lui. Et c'est ça, le combat contre Rogers aussi s'est passé tellement vite. Alors, j'essaie de pas trop me fier, moi, à ce combat-là. Et tout court, comme je dis, Fedor a plus d'attributs, plus d'expérience. Alors, si jamais Rogers réussit à faire une surprise, ben, il va falloir qu'on lui donne, qu'on rende à César là, ce qu'on lui doit, puis qu'on dise bravo là, mais je pense que personne ne s'attend à ça, tout court. Oui, surtout que, bon, Fedor l'a démontré dans tous ses combats au Pride, au UFC, puis dans d'autres organisations comme Affliction. Il y a une résistance physique à tout casser, un cardio aussi, là, pas questionnable. A toujours démontré qu'il est capable d'être constant tout le long d'un combat. Alors que Rogers, lui, n'a jamais dépassé le deuxième engagement, à moins que je ne m'abuse, ou à toute fin pratique, sauf face à Ron Humphrey, où il avait dépassé un peu le deuxième, mais ça s'était terminé rapidement par la suite. Alors, pas habitué vraiment à combattre dans des combats d'aussi importants, puis qui va durer, quoi, 3 rondes de 5 minutes, face à un gars aussi intense que Fedor. C'est pas Exactement. facile. Tu viens de le dire intense. Parce que c'est ça, Rogers a jamais affronté. OK, il a affronté Arlovski, mais le combat s'est passé tellement vite. Mais il a jamais affronté un gars. Fedor, si on prend ses combats contre Nogueira, ça a été des combats longs et durs. Puis Fedor a pas manqué de cardio du tout. C'est ça. Puis il y a plein d'autres exemples que Rogers, lui, ça, c'est un inconnu complètement, qu'on sait absolument pas de lui. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, une grosse différence au niveau du poids et de la grandeur. Mais Fedor est quand même habitué à ça. Dans le passé, il a affronté Tim Sylvia qui était à 6 et 8, Hangman Choi qui était à 7 et 2. Les gros gabarits, quand même, Fedor est habitué à ça. Des gars avec une force de frappe aussi puissante que celle de Brett Rogers, Fedor en a affronté certains. Alors, je pense que c'est vraiment pas de l'inconnu du côté de Fedor. Puis, dans le cas de Brett Rogers, là, il s'en va vraiment dans une zone où il est pas habitué, où je pense qu'il peut être même intimidé. On a vu Tim Sylvia dans son combat face à Fedor. Moi, je pense que Tim Sylvia était pas prêt du tout pour affronter un gars comme Fedor, puis a été déstabilisé, puis même affecté mentalement, là, à cause de l'aurore, à cause de Fedor, l'espèce de... Lorsque Fedor arrive dans un octogone ou un ring, là, c'est vraiment quelque chose, je pense, Mythique. qui doit être ouais, mythique. C'est le bon nom, c'est le bon mot que tu as trouvé, Fred. Puis juste son entrée, on voit que ce gars-là va être imperturbable. Ça, c'est bien certain. Fedor, lui, est prêt à tout. Puis je vois difficilement comment Brett Rogers va pouvoir l'emporter. Alors, Fedor devrait l'emporter tant qu'à moi. Juste un dernier mot sur ce combat-là. Tu mentionnais Tim Sylvia. Tu vois, moi, je vois pas la même pression pour Brett Rogers parce que justement, Tim Sylvia, lui, était ancien champion UFC et tout. Que Brett Rogers, lui, je pense pas qu'il va se mettre toute cette pression-là. Et tout court, la façon il sourit, il a de l'air à s'amuser dans les entrevues. Je prédis vraiment pas une victoire de Rogers, mais je prédis aussi que on va voir un gars qui aura pas peur non plus. Il va affronter ce qu'il a affronté. Ouais, ben on l'espère. Tu nous parlais d'un des coachs de Rogers. Il y en a un de ces coachs-là qui s'appelle Sergio Cunha, qui était là pour bon, ses frappes surtout. Et puis lui, c'est un Brésilien, évidemment, qui a déjà entraîné BJ Penn dans le passé, puis Mauricio Roy également. Il a entraîné Mauricio Roy pour son combat face à Chuck Liddell. Alors quand même, Brett Rogers, qui est dans une équipe. Évidemment qu'il y a un camp d'entraînement que je connais pas vraiment, le Team Bison, puis un autre nom aussi pour un autre club. Tu sais, des clubs qui sont pas peut-être pas la grosse cote là internationale, mais quand même, en Sergio Cunha, là, s'est adjoint un coach qui d'ailleurs était l'un des coachs de la chute boxe lorsque la chute boxe était en pleine apogée il y a plusieurs années de ça. Si on passait Ken peut-être au combat, moi je dirais qu'il est le plus technique de la soirée, ça va être Jake Shields, puis Jason Miller, qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Est-ce que ça t'intéresse? Ah oui, moi c'est un des combats qui m'intéresse le plus lors de cette carte-là, malgré qu'il y a d'autres combats aussi intéressants dans le reste de la carte. Mais Jason Miller face à Jay Shields, très intéressant. C'est un combat qui aura lieu à 185 livres, malgré que les deux, surtout Shields, c'est un 170 livres plus naturel. Miller a combattu à 170 livres également, a affronté entre autres Georges St-Pierre en 2005, où il avait mangé une raclée, mais avait quand même fait la limite. Miller, c'est un gars tough, je dirais. Puis Shields, bon, évidemment, peut-être l'un des meilleurs au sol en MMA à l'heure actuelle. En tout cas, pour Strike Force, ça, c'est certain. Alors, ça va être un combat intéressant. Et comment tu vois ce combat-là, Fred? Ben moi, je l'ai souvent dit, je suis un grand fan de toute l'équipe de Caesar Gracie. Puis je dirais dans tous les combats de la soirée, c'est ce combat-là puis celui entre Fabricio Werdum et Antonio Silva, c'est deux combats que je dirais que le gagnant, tu sais, c'est 50-50, pas mal, peut-être un peu plus du côté de Shields, mais c'est ça, le public est pas autant d'un côté comme dans le combat Rogers et Emelianenko. Alors ce combat-là, c'est pour ça que je dis que c'est le combat que j'ai le plus d'intérêt, parce que je sais pas qui va gagner. J'espère que Shields va gagner. Je pense que Shields va gagner. Mais Jason Miller a beaucoup, beaucoup d'attributs. Il a un très bon jiu-jitsu, puis il a beaucoup de courage et tout. Seule chose, c'est ça, moi je vois Jake Shields, c'est un. Je pense qu'on y donne pas assez de crédit parce qu'il est pas dans l'UFC. Mais si on regarde ses combats, c'est un gars très technique, extrêmement sérieux dans la cage. Et j'aime comment qu'il. Son attitude, comment il se déplace et tout. Alors moi, je vois que Shields devrait réussir à l'emporter. Oh, ben Shields est sur une très belle lancée de 12 victoires consécutives, une fiche de 23 victoires, 4 défaites et un combat nul. Évidemment, 10 de ses victoires par soumission, mais dans ses derniers combats, là, plusieurs soumissions, je pense à Robbie Lawler, où rapidement, il lui avait placé une guillotine. Paul Daly, maintenant, qui est dans le UFC, où Shields avait dominé au sol, évidemment, assez facilement, l'avait remporté au deuxième engagement par une clé de bras. Une victoire par guillotine avant ça face à Nick Thompson. Mike Pearl avant ça par étranglement arrière. Renato Verissimo, un as aussi, bon combattant au sol, où là, Shields l'avait battu par TKO. Alors, des victoires là, avant la limite dans ses dernières prestations, c'est assez impressionnant du côté de Jake Shields, qui a 30 ans seulement. Mais moi, je vais y aller du côté de Jason Miller, cette fois, qui a 22 victoires et 6 défaites. Un no contest. Un combattant qui a réussi à affronter Ronaldo Souza à deux reprises là, dans les dernières années, puis a pas mal fait, loin de là, a perdu face à Souza, ça c'était en 2008, mais par décision. Et moi, je suis persuadé que Ronaldo Souza est supérieur à Jake Shields au sol, puis plus fort physiquement que Shields également. Puis Souza, c'est un vrai 185 livres, alors que Shields, c'est un très petit 185 livres. Puis, bon, ils ont également un dernier affrontement de Miller, c'était face à Ronaldo Souza. Ça s'était terminé par un no contest suite à un coup de pied illégal de la part de Miller. Mais Miller, je pense, est supérieur à Shields debout, les meilleurs outils debout. Je pense qu'il va être capable d'éviter les tentatives d'amener au sol peut-être de Shields à plusieurs reprises, puis il va être capable de dominer le combat avec ses mains et ses pieds. Ben, tu vois, je vais l'admettre, c'est l'amateur en moi qui parle de Shields, mais je vais revenir justement au combat contre Robbie Lawler, qui lui a un stand-up supérieur à Jason Miller, je dirais. Et il a jamais réussi à toucher Shields. Shields a été super intelligent, il a reculé, puis il a attendu les moments. Et c'est ce que j'aime de Jake Shields. Moi, dans la cage, je vois un combattant très intelligent qui va attendre la petite faille pour trouver l'erreur. Et lui-même en fera pas. Je sais que c'est l'amateur en moi, puis qu'il y a beaucoup. J'espère que Jake Shields va gagner aussi. Et ça va être un excellent combat, qu'on va s'en reparler la semaine prochaine, c'est sûr. Ouais, ben la différence entre Miller et Lawler, je pense, c'est que Miller bouge est plus fluide, bouge mieux. D'ailleurs, Miller a déjà battu Robbie Lawler par soumission. Bon, ça fait quelques années, là, en 2006. Puis bon, oui, Lawler frappe avec beaucoup plus de puissance que Miller, ça, je suis convaincu, là, une boxe beaucoup plus puissante que celle de Miller, mais Miller bouge bien, puis travaille avec ses jambes également. C'est pour ça que je pense que Miller va aller chercher ce combat-là face à Jake Shields. Puis ensuite, passons par un autre combat. Le Sukuju. Oui, c'est intéressant ça aussi. C'est un combat qui aura lieu à 205 livres. Gérard Mousasi face à Ramo Thierry Sokoju, qu'on a vu à quelques reprises dans le UFC. Avant ça, on l'avait vu dans le Pride avec deux victoires dévastatrices, assez impressionnantes. Mais dans le UFC, il a été beaucoup moins impressionnant. Puis là, maintenant, il va se battre pour le Strikeforce. Puis ensuite, au mois de décembre, il ira pour le Dream pour un combat final du tournoi Super Hulk. Mais là, pour l'instant, il va devoir s'attarder à M. Mousasi. Oui, ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui donne de chance à Thierry Ramos Okudju. Je pense que peut-être. C'est normal que Mousasi soit favori, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui tombe en amour aussi avec les récents succès de Mousasi et lui donne peut-être trop l'avantage. Je pense pas que le combat soit extrême que ça, la différence entre les deux. Oui, Mousasi devrait l'emporter, mais Sokoju apporte quand même beaucoup d'attributs dans la cage, ben, dans le ring. Dans la cage, excuse. Ouais, dans la cage. J'étais mélangé avec Affliction, là, parce que là, je me dis Affliction, c'est un ring, mais non, c'est Strikeforce. Sokoju, il se fatigue très rapidement. Moi, dans tous ses combats, là, je vois qu'il s'essouffle avec. Il s'essouffle rapidement. Puis, il n'a pas l'air de travailler là-dessus. Un cardio questionnable. Il frappe fort avec ses mains, avec ses jambes. Mais c'est assez télégraphié son affaire. C'est assez facile, je pense, à un gars comme Mousasi de pouvoir éviter ces coups-là. Puis, Mousasi peut-être plus complet. Puis, s'entraîne avec, évidemment, l'équipe de Fedor Emelianenko. Alors, c'est pas peu dire, vous comprendrez qu'il est bien entouré de ce côté-là. Sur une belle lancée également, Mousasi lui a 13 victoires consécutives. Sa dernière défaite remonte à 2006, c'était par soumission face à Akira Gono, mais après ça, il est allé chercher des victoires face à Dennis Kang, Melvin Manef, Ronaldo Souza, Mark Hunt, et là, tout dernièrement, Renato Sobral, où faut pas se le cacher, là. Il était allé avec une prestation magistrale face à Renato Babalu Sobral. On s'attendait pas à ce que Sobral, un gars quand même ancré en MMA depuis fort longtemps, se faire démolir comme ça après une minute du combat. Mousasi en avait surpris plusieurs pour ceux qui ne le connaissaient pas. Parce qu'ici en Amérique, on le connaît que de nom, mais on l'a pas vu à maintes reprises comme les Japonais surtout. Je pense qu'il avait fortement impressionné. Puis Sokoju, bon, il y a deux victoires successives, là, mais face à des gars qui sont plus là pour leur charisme, ou je ne sais trop, là, Bob Sapp et John Nargi, qui n'est pas nécessairement des grands talents. Mais alors, c'était difficile de donner la victoire à Sokoju, qui est quand même une ceinture noire en judo, qui a fait à des compétitions en judo. Mais je pense pas qu'il y ait un judo très efficace en MMA comme certains autres combattants qui ont su adapter leur judo de manière beaucoup plus adéquate que ce Sokoju l'a fait jusqu'à maintenant. Oui, non, je pense que Mousasi a l'avantage, c'est normal. C'est juste, si on va voir sur certains vrais sites de gambling, je pense qu'il est genre 8 contre 1 et tout. Et je trouve que c'est beaucoup quand même. Là. Je sais pas si je l'aurais mis aussi haut comme cote. Sur mon site de jeu en ce moment, c'est Askié aussi. C'est sa cote aussi parce que tout le monde gage sur lui, alors personne ne prend une chance sur Sokoju. Et je vois Mousasi l'emporter. C'est juste peut-être que je vois Sokoju quand même un bon combattant qui pourrait causer une surprise. Pas que je m'attends à une surprise du tout, là, mais je vois que Sokoju pourrait causer la surprise. Je serais pas si étonné que ça si ça arrive. Alors, Mousasi, c'est probablement le meilleur 205 livres qui n'est pas dans le UFC à l'heure actuelle. C'est un Arménien de 24 ans seulement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 victoires de suite. C'est l'actuel champion des 205 livres de l'organisation Strikeforce suite à sa victoire face à Renato Sobral. C'est le champion du Dream Middleweight à 185 livres de l'organisation. Mais bon, il a laissé ce titre-là, je pense, pour monter de catégorie. Puis il y avait également, en 2008, remporté le Dream Middleweight Grand Prix champion également dans une victoire face à Ronaldo Souza. Alors, Mousasi s'entraîne avec Fedor, une fiche impeccable depuis bien des années, des victoires successives et tout ça. Il a même fait un combat également en décembre dernier. Le 31 décembre, lors du gros événement au Japon, où il avait battu Musashi, qui est un vétéran en K1, dans un combat en règle de K1, où Mousasi l'avait battu au premier engagement, alors de belle façon. Alors, c'est assez incroyable. Il est capable de se débrouiller facilement debout là, contre un vétéran du K1, Alors évidemment, debout, je pense qu'on peut lui donner l'avantage à Mousasi face à Sokoju, même si Sokoju quand même frappe avec beaucoup de force. Je pense que Mousasi, il bouge beaucoup mieux, puis il est beaucoup plus détendu, puis travaille plus en combinaison que Sokoju. Alors, ça va être un combat intéressant quand même. Mousasi, suite à sa prestation face à Sobral, on a hâte de le revoir rapidement. Oui, c'est un des bons jeunes qu'il faut garder un œil, ça c'est sûr. Le dernier combat qui va être sur la carte, c'est Antonio Silva puis Fabricio Werdum. Je sais que t'es pas un très grand amateur de Fabricio Werdum, et moi je suis un amateur moyen de Antonio Silva. J'aime bien ce qu'il peut apporter dans un combat. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans ce duel-là? Ben moi, je donne la victoire à Fabricio Werdum, que j'aime pas beaucoup, là. T'as bien raison. On l'a vu dans des prestations vraiment pas très spectaculaires dans le UFC, face à Andrei Arlovski, notamment. Moi, il m'a jamais emballé. Puis, ben, il est sorti du UFC suite à cette défaite face à Junior Dos Santos. Une défaite de surprise où Junior Dos Santos en était à son premier combat dans le UFC. Puis, il avait knocké, je pense, suite à un uppercut au premier engagement. Ça avait été l'une des surprises de l'année, mais Werdum, n'empêche, il est très solide au sol, a remporté la DCC 2009 dans les plus de 99 kilos, l'a fait également en 2007, a terminé troisième en 2005 dans la même catégorie, terminé troisième dans les tout poids confondus en 2003. Évidemment, là, un grappleur élite, Fabricio Werdum, là, qui a une fiche de 12 victoires, qui a défaite un combat nul. Oui, il est allé chercher des défaites récemment. Bon, face à Junior Dos Santos, face à Arlovski, face à Antonio Rodrigo Nogueira, puis face à Sergei Karitonov. Mais dans les cas de Karitonov, Arlovski et Junior Dos Santos, ce sont trois gars qui ont des bonnes mains habiles, puissantes, les gars qui bougent bien également. Alors qu'Antonio Silva, je pense, oui, il frappe lourd, mais je pense pas qu'il a la qualité athlétique, je veux dire, qui bouge aussi bien, qui a une aussi bonne boxe que Arlovski, que Santos et puis que Karitonov. Ce qui me permet de croire que Werdum va remporter ce combat-là. Silva, je trouve qu'il a le gabarit un peu à la Gabriel Gonzaga, et Werdum l'a battu à deux reprises, Gonzaga. Ouais, ben moi j'aime bien Antonio Silva parce que chez les poids lourds, je pense que la grosseur des gars a une valeur, surtout avec le sport qui évolue beaucoup. Alors c'est l'aspect que j'aime beaucoup de Silva, et il arrive avec un bon sol et tout. Fabricio Werdum a peut-être plus de un plus haut niveau au sol, mais j'aime le fait que Silva arrive à 265 livres et tout. Je dis pas que Silva va être un grand, grand poids lourd, là, mais je vois que le gars a quand même des aptitudes intéressantes. Je le mets dans la même gang des jeunes poids lourds à garder un œil si on veut que Junior Dos Santos et tout ça, moi, personnellement. Peut-être un peu en dessous parce qu'il a pas battu des gros, gros noms comme Dos Santos a fait, mais je garde un œil sur Silva parce que je l'aime bien, moi. Un jeune qui est fort et qui travaille bien au sol. Chez les poids lourds, je pense que ça a un bon avantage justement parce que entre 205 et 265, il y a une très grosse différence. Alors la différence de poids, s'il peut s'en servir à son avantage, c'est bon pour lui. Oui, puis les deux ont comme adversaires en commun Tom Erickson et puis Tengiz Tedoradze, que je connais pas du tout, pantoute, là, mais les deux ont affronté ces adversaires-là. Puis dans les deux cas, ils les ont battus assez facilement. Werdum les a soumis les deux. Puis Silva, lui, il les a battus par TKO les deux. Alors, on voit la différence. Silva, évidemment, peut-être moins en finesse que Werdum, mais tout aussi efficace. Oui, puis à part ça, sur les combats préliminaires, je sais pas si tu as gardé un œil sur quelques-uns des combats préliminaires. Toi, moi, il y a peut-être à mentionner qu'il y a eu un changement chez les femmes, c'est Marlois Cohens. Malheureusement, je l'ai plus devant moi, juste un Oui, instant. elle va affronter Roxane Modafferi. Oh. Conan, c'est une fille de la Hollande qui a 28 ans. Très solide dans le grappling, c'est un peu surprenant parce qu'en Hollande, d'habitude, c'est des frappeurs là, redoutables. Bien, elle, ses performances en soumission qui sont plutôt incroyables, puisqu'elle est allée chercher 11 de ses 16 victoires par soumission. Elle n'a que 3 défaites. Elle devait évidemment, à prime abord, affronter la championne Christiane Santos, mais qui est absente suite à une blessure, et elle va affronter, comme je vous le dis, là, Roxane Modafferi, qui se sont déjà affrontés en plus, c'était en 2007, et c'était Modafferi qui avait remporté le combat par décision. Alors, cette dernière a 27 ans, 13 victoires et 4 défaites, mais elle est sur une belle lancée puisqu'elle a 6 victoires consécutives, dont évidemment, parmi ces 6 victoires-là consécutives, une face à Marlowe Connen. Alors, c'est un combat important pour les deux puisque il y a également Aaron Tuffield également qui est là-dedans, mais à un moment donné, là, l'une ou l'autre va affronter Christian Santos. Oui, ben, tu vois, quand Christian Santos a eu son dernier combat contre Gina Carano, je pense qu'on n'avait pas encore commencé notre émission radio et à ce moment-là, on avait eu quelques mesdames sur MMAnouvelle.com qui s'étaient exprimées à propos du MMA féminin, puis c'était très intéressant. Alors j'espère que CBS va trouver le moyen de nous montrer au moins les faits saillants de ce combat-là, parce qu'on dit que Marlowe Connen pourrait être la prochaine à affronter Cyborg, alors faut leur donner un peu d'attention, comme ça, ça va continuer à grandir le sport chez les femmes. Oui, puis dans les autres combats, je vais y aller un peu plus rapidement, puis tu m'arrêtes quand tu ressens le besoin. Fred, il y a Jeff Curran, un vétéran, qui a combattu dans la WAC, puis dans d'autres organisations plus ou moins importantes, qui a une bonne fiche quand même de 29 victoires, 12 défaites, un combat nul. Mais par contre, il est sur 4 défaites consécutives là, à la WAC. Mais face à des noms plutôt importants, Urijah Faber, Mike Brown, Joseph Benavidez, Takeya Mizugaki. Alors ça, ce sont ses 4 derniers combats qui sont tous soldés dans la défaite. Il a 32 ans, Jeff Curran. Il sera opposé à Dustin Nice. Je pense que son adversaire a changé à quelques reprises, des blessures. Puis à un moment donné, également, on pensait qu'il allait combattre au Japon, mais finalement, ce sera pour le Strike Force. Et ce Dustin Nice-là, lui, a 17 victoires, 13 défaites et un combat nul. Et il a 14 de ses 17 victoires qui sont arrivées grâce à des soumissions. Ouais, tu mentionnes Curran, 4 défaites de suite, et moi, comme tu sais, je suis un amateur de la WEC, et je te dirais que Curran a peut-être perdu contre les 4 meilleurs qu'on pouvait lui mettre devant, si on oublie peut-être Jose Aldo, parce que Benavidez, Mitsugaki, Faber et Brown, ben Faber et Brown, c'est les anciens champions, Mitsugaki, il a eu une guerre de 5 rounds contre Torres il y a pas longtemps, et le combat contre Mitsugaki était très serré, faudrait que je retourne dans mes notes, mais je pense que je l'avais peut-être même donné à Curran, c'était une décision. Alors, Jeff Curran, c'est un très bon combattant, et surtout, j'aime beaucoup son sol, parce que c'est un gars qui se retrouve sur son dos, et qui continue à être agressif, puis il y a trop de combattants qui se retrouvent sur leur dos, puis qui... Il essaie juste de survivre, je trouve. Moi, j'aime bien les gars qui continuent à être agressifs. Et Curran, c'est un de ceux-là. Alors, c'est un combattant intéressant, moi. Je l'aime bien. Oui, puis je sais que tu aimes bien José Aldo, mais quand même, il faut préciser, Mike Brown, c'est encore le champion. Tu as dit ancien champion tout à l'heure. Je sais que tu pensais déjà que José Aldo va remporter le combat, mais ça, ce sera dans une prochaine discussion. Oui, bien raison. À 170 livres, il y a Mark Meller, 9 victoires, 5 défaites, qui a participé au dernier, pas au dernier, mais au The Ultimate Fighter 9, qui va affronter Derry Davis, qui a 5 victoires, 1 défaite et un combat nul. Toujours à 170 livres, Christian Hoflecker, 1 victoire, aucune défaite, sa victoire grâce à une soumission. C'est une ceinture noire sous Carlos Gracie, puis présentement, Hoflecker dirige une école de MMA à Chicago, évidemment, là où va... Là où aura lieu cet événement-là, bien il va affronter Jonatas Novaez, qui a 4 victoires et 2 défaites. Finalement, dans la catégorie des 185 livres, John Colossis, 34 ans, 10 victoires, 5 défaites des États-Unis, qui a perdu son seul combat dans le UFC. C'était au Ultimate Fighter 6 face à Matt Arroyo. Bien, il va affronter Shamar Bailey, 9 victoires et 1 défaite. Et il y a un autre combat, ça c'est à 185 livres toujours. Louis Taylor, 4 victoires, invaincu jusqu'à maintenant, face à Nate Moore, 3 victoires, invaincu également. Et ces 3 victoires grâce à des soumissions. Alors c'est ça pour le Strike Force qui aura lieu le 7 novembre. Un événement à ne pas manquer sur CBS. Et peut-être également, on n'a pas eu la chance de se parler avant ça, Fred, mais on a pris l'habitude de faire une émission spéciale avant les gros événements. Est-ce que ce sera le cas? Oui, on va avoir quelque chose, on va s'en parler après l'émission. Ça sera peut-être pas en direct. Va falloir qu'on teste Ken cette semaine, qu'on trouve une journée, parce que j'ai peur que la dernière fois, le problème était mon ordinateur, qui est un peu réparé maintenant, j'espère. Cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Alors, faudrait qu'on teste cette semaine, voir si on pourrait faire ce live. Sinon, on va la faire pré-enregistrer. Alors, ben, c'est un rendez-vous quand même pour les amateurs là, de MMA. Il y aura au courant de la journée de samedi quelque chose de spécial pour couvrir cet événement-là du Strike Force. Alors, c'est à suivre sur mmanouvelle.com. Il y a un autre événement également du Strike Force qui va précéder, c'est pas le 6 novembre, très rapidement, là, je vous fais part des quelques combats qui auront lieu. L'événement aura lieu en Californie. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est une drôle de décision, Fred, là, je ne sais pas ce que tu en penses, de faire deux événements comme ça successifs, soit bon, un Strike Force Challenger, qui est l'équivalent, je dirais, des UFC Fight Night, mais juste la journée d'avant d'un gros gala. Ouais, c'est surprenant, mais regarde, moi je vais te dire en disant ça que les Challengers, c'est pas des Fight Night, c'est un niveau encore inférieur selon moi, ou ce que c'est vraiment des inconnus. Fight Night nous donne quelques noms plusieurs noms intéressants quand même, que le Challenger a simplement un ou deux combattants intéressants, je trouve. Ouais, quand même, t'as raison, là. Il y a moins de profondeur pour le Strike Force Exactement. C'est MMA. plus, pour moi, je le vois plus comme une ligue de développement pour le Strike Force, ou ce que même sur MMAnouvelle.com, je donne pas tellement d'attention que ça au Strike Force Challenger, parce que pour moi, c'est pas différent de n'importe quelle autre ligue de développement. C'est excellent que ça existe, il en faut. C'est juste, j'y vois pas au même niveau que le Strike Force. Je sais pas. Pour moi, personnellement, en tant qu'amateur, j'y vois comme une entité à part, quasiment. OK. Bon, ben alors, rapidement, il y a quand même Georgie Gargell, un vétéran du UFC, qui va être là. Il a 32 ans. Un gars qui s'entraîne avec Rich Franklin. Puis, c'est un grand ami de Rich Franklin. D'ailleurs, on le voit des fois dans le coin de Rich Franklin. Il a 32 ans, comme je vous l'ai dit. 13 victoires, 5 défaites. 9 de ses victoires par soumission. Évidemment, c'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. C'est sa grande force. Dans le UFC, il a fait 7 combats quand même. C'est pas rien dire, mais il est allé chercher une fiche de 3 victoires et 4 défaites dans la prestigieuse organisation. À sa seule apparition dans le Strike Force, c'était dans le Strike Force Challenger et il avait battu Conor Hoon par décision. Alors, félicitations pour lui. Il va affronter l'invaincu Billy Evangelista, qui a 9 victoires et un no contest. Son no contest était dans son dernier combat face à Mike Hayna. C'est un gars qui s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy, alors les Kong Lee, entre autres, et plusieurs autres combattants comme John Fitch, Josh Koscheck, Mike Swick. Alors, quand même des combattants je pense aussi à Cain Velasquez, alors une bonne équipe, une bonne réputation. Et puis dans les autres combats, il y a un autre combattant invaincu, il va être là, Shane Del Rosario, qui a 8 victoires, aucune défaite, 7 de ses victoires par TKO et l'autre par soumission. Alors ça, c'est quand même intéressant. C'est peut-être un gars à suivre, puisque 7 de ses victoires également ont été acquises au premier engagement. Il va affronter Brandon Cash, qui a 5 victoires et aucune défaite. Il y a un autre gars qui a fait un combat dans le UFC, Jesse Taylor, je sais pas si tu te connais, si tu te souviens de lui. Ouais, un petit peu, ouais. De la Team Quest, il y a 26 ans, avait participé à The Ultimate Fighter, avait perdu, je pense, face à CB Dolloway, là, 13 victoires pour 4 défaites, et c'est son 8e combat en 2009, alors il était actif cette année. Il a combattu notamment pour le Dream, puis pour Strike Force cette année, et il avait perdu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, face à CB Dolloway, puis également pour Strike Force, il avait perdu son combat, je pense, par décision face à Jay Rhone. Eh bien là, il va affronter Luke Rockhold, de l'American Kickboxing Academy également, qui a 5 victoires et une défaite. Il y a beaucoup de gars de l'American Kickboxing Academy parce que je pense qu'elle se trouve à San Jose. Puis Strike Force également appartient au propriétaire des Sharks de San Jose, là, notamment. OK. Tu dis Luke Rockhold, j'essaie de me rappeler parce qu'il me semble son Non, nom. c'est Rochelle, je Ah, pense OK, que oui, je me tu dois mélange. avoir en Oui, tête, oui, là, oui. qui vient de battre Chris Lee Ben. Ouais, il y a des noms qui se ressemblent, mais c'est pas la même chose partout. Hey, il faut qu'on vous parle de français, évidemment, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. On aimerait ça qu'il y ait aussi des Québécois, là, à un moment donné, qui se greffent à ça, mais beaucoup de Français, on vous souhaite la bienvenue. Et c'est pour ça qu'on va quand même essayer de vous parler des gens que vous connaissez ou que vous aimeriez connaître. Il y a un Français du nom de Ousmane Thomas Diagne, que je connaissais pas du tout pantoute là avant ça, mais qui a une victoire, aucune défaite en MMA. C'est un gars surtout, je pense qu'il s'exprime debout, une expérience en kickboxing également, qui s'entraîne maintenant également avec Kong Lee, avec l'équipe de Kong Lee. Alors, c'est un pratiquant de Sanshu également en France. Il a participé à plusieurs compétitions à Sanshu, qui est le sport de combat chinois, là. Je sais qu'au Québec, on avait fait Strike Force à un moment donné. Ça ressemblait pas mal à ça. Alors, des échanges en pieds et poings, mais pas vraiment de combat au sol. Oui, il pouvait y avoir des projections, mais on ne peut pas terminer nécessairement un combat au sol. Alors, c'est un peu plus ça le Sanshu, en tout cas, de ce que je connais. Et ce Thomas Dianglas, ce Français-là, qui maintenant qui a déménagé aux États-Unis pour persévérer en MMA, qui avait également pratiqué le Wushu, là, le Kung Fu traditionnel en France dans les années antérieures, eh bien, il va affronter Merritt Warren, qui a 4 victoires et 2 défaites. Pour le reste de la carte, on s'en fout tellement. Alors, on va passer outre ça. Alors, ça, c'était pour le Strikeforce Challenger qui aura lieu en Californie le 6 novembre. Donc, la veille du gros événement qui va mettre en vedette Fedor face à Brett Rogers. Oui, ça va être un bon événement, puis peut-être en s'en allant à la pause, je pense qu'on s'en va là. Ouais, peut-être parler d'un autre événement Ouais. avant, Ah, Fred, vas-y. qui aura lieu au Japon. Est-ce qu'on fait ça tout de suite, le Sengoku, Ah, ou ben on oui. peut attendre? Oui. T'as raison, c'est moi qui ai pas mon plan devant moi. J'ai eu des problèmes cette semaine d'ordinateur. Je m'excuse encore. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, le Sengoku, le 11e événement du Sengoku, qui a lieu le 7 novembre au Japon, pour ceux qui veulent se déplacer, ben, ça aura lieu au Ryogoku Kokujikan. Oh! Oui, alors comme combat, on a entre autres Dave Herman, 15 victoires, une seule défaite. C'est un poids lourd, là, aux alentours de 6 pieds 5 et 200. Ben, il est pas très gros quand même, là, mais 200 quelque chose, là. Je sais pas son poids exact, mais je me souviens que c'est de grande taille, là, 6 pieds 4, 6 pieds 5 facilement. 12 victoires par TKO, 3 par soumission. Et alors, et puis la seule défaite, c'était face au Coréen Choi Moi-bi, qui s'était également arrivé avant la limite. Alors, je n'ai jamais fait la limite. Et moi, il m'avait impressionné dans quelques-uns de ses combats que j'avais vus de lui. Il a remporté son dernier combat, notamment face à Don Fry par TKO après 1 minute du combat. Il va affronter Jimmy York, qu'on vient tout juste de voir perdre face à Antonio Silva, puis qu'on avait vu également gagner un combat face à James Thompson. C'est un gars de la Nouvelle-Zélande, de 6 pieds 1, mais beaucoup plus corpulent là, et graisseux que Dave Herman. Il a une fiche de 11 victoires et 3 défaites. Par la suite, à 205 livres, on a Stanislav Nedkov, un Bulgare de 28 ans, qui a 7 victoires, qui n'a pas encore perdu. Parmi ces victoires, on peut en identifier une de assez intéressante face à Travis Roof, un gars très expérimenté. Ce Roof, là, il avait battu notamment Chris Tucherer, qu'on a vu dans le UFC, Rico Rodriguez et Kazuyuki Fujita. Alors, on peut identifier Stanislav comme un bon prospect quand même, puisqu'il a battu ce Travis Roof-là. Et il va affronter Kevin Randleman, le vétéran de 38 ans, qui s'entraîne avec les Mark Coleman, Wes Sims, Phil Baroni dans la Hammer House. Alors, une équipe bien particulière. Il a une fiche de 17 victoires et 13 défaites. Par contre, dans ses 10 derniers combats, ça va pas très bien. 3 victoires et 7 défaites. Il a été blessé, il avait été suspendu, je pense, pour avoir utilisé des produits dopants, puis des blessures, des infections, tout ça. Puis il avait été ralenti dans les dernières années, mais on l'a vu dans un retour par l'organisation Strike Force face à Mike Whitehead, dans un combat où il n'a pas très bien paru, semblait fatigué tout le combat, moins explosif qu'il l'a déjà été, avait perdu par décision. En 1999, souvenez-vous-en, il avait remporté le titre des poids lourds du UFC en battant Pete Williams. Évidemment, le UFC a progressé là, depuis ce temps. Oui, exactement. Je pense que Randleman, c'est le prototype typique de combattant qui n'a pas évolué avec les années. Il y a peut-être encore des amateurs qui sont intéressés à le voir. Moi, personnellement, je dis souvent que j'aime voir les vétérans. Je dois admettre que Randleman, c'est pas un des gars que je préfère. Alors, j'ai pas tellement d'intérêt que ça pour voir. Oui, mais souvenez-vous quand même de sa souplesse là, face à Fedor Emelianenko. Fantastique. Hein? Tu te souviens de ça, vrai? Je sais pas si Oui, tu... c'est si on était proche de voir quelqu'un se faire très mal, c'était ça. Ouais, c'était spectaculaire. Un autre combat à 185 livres maintenant. Jorge Santiago, qui s'entraîne avec l'American Top Team. Il a une fiche de 22 victoires et 7 défaites sur une séquence quand même de 9 victoires. Alors, c'est quand même pas piqué des verres. Il vient de soumettre par étranglement arrière le Japonais très expérimenté, Kazuo Misaki. Il va affronter Mamed Khalidov, qui n'a pas perdu à ses 17 derniers combats. Il a une fiche de 19 victoires, 3 défaites et un combat nul. Oui, tu parles. Est-ce que Oui, vas-y. j'allais juste dire, Santiago reçoit beaucoup d'attention dans les blogs MMA. Moi, je vais admettre que je le connais un peu, mais malheureusement, avec tous ses combats dernièrement ayant été au Japon, j'y regarde toujours en différé et souvent très rapidement. Alors, faut garder un œil dessus, parce que supposément, c'est un bon gars à 185 livres, là. Il y a plusieurs mondes qui l'ont dans leur top 10 à des 185 livres. Alors, c'est intéressant. Il faut garder un œil dessus, voir. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il était supposé affronter Vitor Belfort au Brésil dans un événement BTT, mais malheureusement pour Jorge Santiago, Belfort a signé avec le UFC entre-temps. Maintenant, à 155 livres, on a un Japonais du nom de Kazunori Yokota, qui est une ceinture noire en judo et qui combat pour l'équipe Grabaka, dont on peut mentionner quelques noms là, comme Akihiro Gono et Kazuo Misaki qui s'entraînent là. Une fiche de 10 victoires, 2 défaites et 3 combats nuls. Il va affronter Eiji Mitsuoka, 16 et 6. Satoru Kitaoka, 155 livres toujours, 25, 9 et 9. Affronte Jorge Masvidal de l'American Top Team également, 18 et 4. Rapidement, Marlon Sandro, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il s'entraîne avec Wanye Fabiano, entre autres, puis José Aldo à la Nova Uniao. Il a 14 victoires, une seule défaite, et c'est cette défaite qu'il avait subie à son dernier combat face à Michihiro Omigawa, mais dans une décision plus que partagée. Là, je pense que à peu près tout le monde d'objectif de donner la victoire à Sandro, mais évidemment, l'événement ayant lieu au Japon, on peut penser que les juges ont une préférence pour le japonais Omigawa. Alors, Sandro va affronter un autre Japonais du nom de Yuji Oshino, qui a 16 victoires, 6 défaites et 7 combats nuls. Oui, Sandro, c'est un autre jeune. Faut garder un œil dessus. Encore une fois, malheureusement en Amérique, on voit. Je reste pas debout pour tous les combats. Moi, je regarde le lendemain en différé, sachant déjà qui a gagné. Alors, ça tue un peu le plaisir. Mais Sandro, c'est un excellent combattant et il faut garder un œil dessus chez les poids-plumes. Il pourrait avoir un impact. Je sais pas si t'as parlé du combat de Aoki aussi. Ça s'en vient, Ça ça s'en s'en vient. vient. Ok, on va en parler plus tard. Excusez-moi. Allez-y. Ben c'est tout de suite, là, en fait, Fred. Atsuyoki, qu'on connaît ici assez bien parce qu'il a combattu à Montréal là, pour l'organisation TKO, pour l'ancienne organisation. Ben, il avait vaincu à 2 reprises Mark Dominic. Puis assez récemment, il avait également battu Thierry Canville par étranglement triangulaire. Alors, Aoki, c'est un gars solide avec une fiche respectable de 20 victoires, 3 défaites et 2 combats nuls. C'est un combattant que j'aime bien. Moi Et puis là, il aussi. va. Justement, moi aussi, parce qu'il est très, très grand et allongé. Et j'aime bien les combattants allongés, mais en même temps, il est quand même fait fort. Si on compare au poids lourd Stephen Struve, là, pour aller à l'extrême, qui lui a pas de l'air fait fort, Aoki a de l'air fait fort pour sa division. Alors, je le trouve très intéressant, moi aussi. Ouais, puis là, il affronte quand même un gars qui a combattu au UFC du nom de Michiro Omigawa. 7 victoires, 8 défaites, un combat nul. Alors, c'est pas une fiche à tout casser. Il s'entraîne avec Hideko Yoshida. C'est un judoka, surtout dans le UFC. 2 performances, 2 défaites face à Thiago Tavares et Matt Women. Rapidement pour les autres combats, Shigeki Ozawa affrontera Honeyman. Du côté d'Ozawa, le japonais, 4 victoires, aucune défaite. Du côté de Honeyman, 16 victoires, 2 défaites et un combat nul. Akihiro Gono revient encore une fois. 170 livres, le très expérimenté Akihiro Gono, qui est l'un des seuls à avoir battu Gérard Jégard. Mouzazi, c'était par Armbar en 2006. Dans les UFC, on l'a vu dans 3 prestations. Plutôt ordinaire, une victoire, 2 défaites, mais bon, des défaites face à Fitch et Hardy. Je pense que Hardy, c'était une décision partagée, puis Fitch, il avait fait la décision quand même, et il avait battu Tamdam McRae pour l'organisation du UFC. Mais par contre, là, il est sur une séquence de 3 défaites consécutives, les 2 dans le UFC, plus une autre, là, au Japon, face à Dan Arbuckle, qui l'avait knocké, là, un coup de pied en plein en face, et Akihiro Gono avait perdu. Eh bien là, son adversaire sera un gars du nom de Young Kim. Ouais, ben c'est toujours intéressant de voir après un gros KO comment un gars va revenir parce que moi je suis d'opinion que quand tu subis un gros KO comme ça, tu perds un petit peu de tes réflexes puis il y a un certain nombre de KO que tu peux subir dans ta carrière avant que tu perdes justement tes réflexes Et c'est un sport où les réflexes sont extrêmement importants. Alors, je vais garder un œil sur Akira Gono, qui est un bon vétéran. C'est peut-être pas un des meilleurs, mais comme tu as dit, ses défaites dans l'UFC, c'était quand même contre des bons combattants. Alors, c'est un gars qui est solide. Oui, et puis là, juste pour me faire plaisir, j'y vais avec la mention des deux derniers combats qui vont intéresser personne, mais juste pour mon plaisir personnel. Ryota Yozami, 9 victoires, 2 défaites, 2 combats nuls, affronte Yoichiro Yajima, 9-9 et 1. Hirokazu Kono, 1 et 3, face à Tomo Akiyama, 2 et 3. Alors, exercice de prononciation est fait. Petite gorgée d'un liquide... Petit jus de légumes ce matin, suite à l'Halloween, on a besoin d'aller chercher des vitamines. Alors, soyez là, puis faites-vous plaisir. On a une belle douce musique là, qui va vous faire plaisir. Et ensuite, on revient avec d'autres sujets plus pertinents les uns qu'aux autres. Ah, je ne sais pas où vous le faites, peut-être que vous le faites au bureau, à la maison, à la salle d'entraînement, en s'entraînant, en faisant du jogging, peu importe. J'imagine bien les madames là, le faire en prenant un bon bain chaud. tout en fantasmant sur nos voix chaudes, langoureuses, en essayant de deviner nos corps. Oui, je ne sais pas comment vous le faites, mais vous le faites, vous nous écoutez, puis il y a tellement de bons moyens de le faire, peut-être pas au complet, vous arrangez ça comme il faut. Avec la technologie, là, il y a moyen de nous écouter avec de multiples façons différentes, et on espère que vous le faites, puis que vous allez passer le mot à des amis, aux amateurs d'arts martiaux et tout ça, pour qu'on puisse, évidemment, comme émission, s'épanouir et être entendu de tous. Alors, cette semaine, il s'est passé plein de choses sur mmnouvelles.com. Fred, j'ai envie de te parler des dénouements qui ont toutes les histoires là qui se sont déroulées suite au combat entre Shogun et Lyoto, le dragon Mashida. Ça fait parler beaucoup, hein, un peu partout en Amérique, en Europe, en tout cas vraiment partout. Puis sur mmnouvelles.com également, là, on a eu droit à quelques guerres de mots. Oui, ben ça a attiré les émotions des deux côtés. Ouais. Je pense que le monde sont des vrais amateurs et c'est bon, c'est ça qu'il faut. Ah ouais, vous êtes fous, mais moi, vous dites qu'on aime ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut pas dépasser des limites, là. Ben, c'est pas grave, ça. Vous éclairez un peu, avoir du plaisir. Le sport, c'est là pour ça. C'est fait pour se défouler un peu. Les gens prennent ça à cœur. Puis, évidemment, là, à tous ceux, là, les détracteurs de Lyoto, oh, c'est qui le champion un matin? Ouais, ben là, t'es en train de rejeter un peu d'huile sur le feu. Je dirais que c'est normal que les amateurs de Roi se sentent volés. Puis c'est normal aussi que les amateurs de Machida défendent leur champion parce que justement, le combat était extrêmement serré. Moi, je continue à dire que j'aurais donné Shogun gagnant. Mais je suis pas dans l'extrême fâché qui voit que Shogun s'est fait complètement voler. Oui, d'après moi, il s'est fait voler, mais ça arrive dans ce sport-là. Alors, ouais, c'est ça. On là, pense à d'autres choses. Il n'y a pas de conspiration, là. Il n'y a pas avantage pour la UFC de garder Mashida comme non, champion. Non, et ça là... Moi, je vais prendre position là-dessus. Tu vois, toi, tu disais des fois que tu croyais peut-être un peu trop au bon côté quand tu parlais des stéroïdes. Mais moi, je vais croire au bon côté que l'UFC, là, et je parle de l'UFC, ne fait pas de combat truqué. Dana White aurait beaucoup trop à perdre pour un combat truqué. Son sport est sur le bord d'être accepté. Et une genre de controverse comme ça tuerait la crédibilité de l'UFC. Alors, je vais jouer le rôle du jeune qui croit à la fée des dents, là. Mais ouais, ben là, jamais je verrais Dana White truquer un combat de l'UFC. Il y aurait beaucoup trop à perdre. Oui, puis là, il n'y a aucun avantage à ce que ce soit Mashida le champion ce matin. Là, ça change quoi pour le UFC? Ça change niette, rien, vraiment, là. Et pas juste ce cas-là. La discussion est déjà arrivée dans le passé. Et peut-être que dans les premières années, je ne sais pas, qui sait, dans les premières années où ce que le sport était pas très bon, mais dans les 5 dernières années, là, que le sport devient de plus en plus accepté, l'UFC aurait beaucoup trop à perdre de faire quelque chose dans ce genre-là. Ça serait terrible pour la crédibilité du sport. Oui, alors peut-être des nouvelles, tout ce qui se passe sur le milieu du MMA. Évidemment, c'est grâce à l'homme nouvelle, Fred Garcia, qu'on va en apprendre plus. Alors, informe-nous. Oui, ben vu que tu nous parles de Machida, pour commencer, on va dire qu'il a besoin d'une opération suite au combat de Rua. Alors, malheureusement, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va revoir les deux s'affronter. D'après ce que j'ai lu, Machida reprendra l'entraînement en début 2010, alors peut-être genre 2-3 mois après qu'il reprenne son entraînement, on pourrait revoir un combat Rua-Machida. Oui, puis du côté aussi de l'ami et partenaire de Machida, il y a son ami Anderson Silva, lui aussi, son combat, je pense, prévu à la début d'année 2010 face à Vitor Belfort, va être retardé. Oui, oui, lui c'est à cause de l'opération au coude qu'il a subi. On va donner le bénéfice du doute à Anderson Silva, qui des fois peut donner l'impression d'être un peu difficile, Dana White a justement parlé de ça cette semaine, où ce qu'il a dit que non, Anderson Silva était pas quelqu'un de difficile à négocier. Alors, l'UFC se retrouve avec bien des problèmes de même, parce que justement aussi, Yahoo Sports hier avait une histoire que Georges St-Pierre sera pas de retour avant le mois de mars. Et là, Brock Lesnar, son combat, lui, a été retardé sûrement à l'UFC 108, justement, le 2 janvier. Quatre de ses cinq champions à l'UFC en ce moment, ils sont blessés ou malades. Alors, il y a juste BJ Penn qui a un combat de prévu, finalement, puis c'est un peu malheureux. Parce que justement, on s'attendait à une très belle séquence. Et moi, je vais être le premier à me plaindre, parce que justement, les statistiques de mon site explosaient. Et là, je voyais les combats à venir dans les prochaines semaines, là, puis là, je m'attendais à des records de fou. Et là, avec toutes ces blessures-là, je viens de prendre une petite douche froide, là. Mais il y a quand même des combats qui vont être très intéressants, là. Je pense que, il y a des combats de championnat qui rajoutent des fois quelque chose de supplémentaire, mais quand même, il y a souvent des combats hors championnat qui sont tout aussi intéressants. À mon avis. Oui, et tu parles de combats hors championnat. J'ai oublié sur un blog anglophone, j'avais lu quand il parlait d'Anderson Silva qui était blessé, que Dana White, avec tout ce qui se passe en ce moment, là, il devrait nous donner Nate Marquardt contre Vitor Belfort. Je pense que ce serait un excellent combat. Je veux pas de championnat intérim. Je veux juste un combat entre les deux pour finalement décider un aspirant numéro un. Surtout que Dan Anderson, pour le moment, est pas signé. Et que on a un petit vide. Moi, je considère, là, du côté de l'UFC, ils ont besoin de remplir un peu leur prochain gala, là. Pas l'UFC 107, il est excellent. Mais par après, là, que ça soit à l'UFC 108 ou plus tard, un combat pour décider de l'aspirant numéro 1 pendant que Silva, il se remet sur pied, mais ça serait temps, moi, je pense. Et pourquoi pas? Je sais que la semaine prochaine, nous, on va parler du UFC 105, qui n'est pas vraiment spectaculaire. Là, il y a deux, peut-être, combats intéressants. Pour le reste, on va falloir qu'on travaille fort pour vous en parler longtemps. Ouais. Parce que, mis à part peut-être Mike Swick face à Dan Hardy, Michael Bisping face à Dennis Kane. Bon, il y a Couture face à Vera, mais le reste de la carte, là, ce ne sera pas vraiment très intéressant. Non, il va falloir que je fouille YouTube pour avoir des opinions. Ouais. Bon. Il y a d'autres nouvelles. Il y a également, bon, on parlait de Strikeforce en début d'émission. Il y a Marius Zaramskis qui vient de signer pour l'organisation Strikeforce. Oui, c'est un jeune qui attire beaucoup les regards. Beaucoup de monde disent beaucoup de bien. Il y a un très beau stand-up, ça c'est officiel. Des coups de pied vraiment très puissants, très explosifs. Moi, je vois un excellent futur pour Zaramskis. Je pense que peut-être certains ils tombent en amour vite avec. Oui, il a gagné le Grand Prix Dream et tout. Alors là, j'ai hâte de le voir dans Strikeforce où justement, si Jake Shields redescendrait à 170 ou Nick Diaz, il y a quelques noms intéressants là. Alors, ça pourrait donner des combats intéressants chez Strikeforce. Ouais, même Zaramskis, 13 victoires, 3 défaites, mais il y a quand même déjà presque 30 ans. Puis bon, je vois sur sa carte, là, il n'a pas affronté nécessairement les meilleurs noms. Bon, il y a une victoire face à Jason High. Puis une autre face à Ayato Sakurai. Exactement, c'est pour ça que je dis que certains peut-être tombent en amour vite avec. Son stand-up est très impressionnant, c'est juste que je suis pas convaincu que c'est un combattant complet. Ouais, pour le reste, il y a peut-être les Français, vous connaissez probablement mieux que nous, le Damien Riccio. Mais pour le reste, là, je vois deux défaites face à Che Mills. Che Mills, c'est pas très connu. Une fiche de 7-1, là, mais en plus de ça, là, pas nécessairement le plus gros nom sur Terre. Alors, bon, un nouveau venu pour Strikeforce du nom de Marius Zaramskis. Oui, vas-y, Fred. Bon, j'allais dire Strikeforce aussi a re-signé Lyle Beerbaum. Je magane sûrement son nom. C'est un jeune qui a une fiche de 13-0 chez les poids légers, qu'on dit beaucoup de bien. Alors, Strikeforce qui continuent à améliorer leurs produits. Et pendant que l'UFC connaît quelques mauvais moments, point de vue blessure, ben Strikeforce a un potentiel pour faire du bruit là, dans le MMA. Ben oui, je vois ça dans les poids lourds. On l'a mentionné souvent. En 2010, on aura droit, je pense, le retour d'Overeem pour l'organisation. Fedor va être là. Brett Rogers va toujours être là. Fabricio Werdum, Bobby Lashley. Hein, je pense que Strikeforce a signé Bobby Lashley. Là, on va le voir. Je sais pas si c'est officiel. Il me semble qu'il y a beaucoup de rumeurs à cet effet. Je suis pas sûr. Va falloir, je retourne regarder. Ah, on confirmera ça à un moment donné. Antonio Silva, lui, c'est certain. Roger Gracie, qui, tant qu'à moi, est le meilleur Gracie. On va le voir, je pense, bientôt pour l'organisation. Il y a Daniel Cormier. Bon, ben, lui, c'est un nouveau venu, mais un lutteur émérite. Racy Faux, bon, on va repasser, là, mais capable de... Debout est quand même intéressant. Je ne sais pas. Arlovski va sûrement revenir à un moment donné. Je ne sais pas pour quelle organisation. On va le voir, mais je pense que son dernier combat était pour Strike First. Pourquoi pas? Et souhaitons peut-être un retour à Arlovski pour un combat revanche face à Brett Rogers. Ce serait intéressant. Ouais, puis Strike Force ont l'habitude de nous donner des combats intéressants tout court. Ils se gênent pas pour faire monter Jake Shields à 185 ou Nick Diaz ou peu importe. Alors, ils travaillent avec qu'est-ce qu'ils ont pour faire un très beau spectacle, moi je trouve. Oui, tu as raison. Puis là, dans les 205 livres, ils ont signé Mohamed Lawal aussi, là, qu'on a connu sous le pseudonyme de King Mo. Alors, c'est un autre nom quand même assez intéressant. J'aimerais prendre sa place pour une de ses entrées au ring, juste pour Ouais. l'entrée, sauf. Ouais, c'est ça. Alors, ben c'est magnifique tout ça. Il y a d'autres blessures. On parlait de blessures tout à l'heure, là, en début de cette chronique-là. Bien, un autre blessé du nom de Thiago Alves qui ne pourra affronter John Fitch. Oui, ça c'est très malheureux parce que la semaine passée on en parlait, on était très content de voir ce combat-là. Et j'ai un petit blanc de mémoire, il me semble que c'est Mike Pierce, c'est ça qui va prendre sa place? Ou Oui, Mike Pierce, très connu de Monsieur et Madame Pierce, mais nous autres. Je sais pas toi, je pense qu'il y a eu un combat dans l'UFC face à Brock Larson en 2009, puis il avait gagné, mais par décision unanime, c'est pas plus spectaculaire que ça. Puis moi, je vois qu'il y a une fiche de 10 et 1, 5 pieds et 8 seulement, alors semble petit pour un 170 livres. C'est vraiment, là, ça enlève toute la saveur d'un affrontement Alves puis John Fitch, qui sont des prétendants sérieux à la couronne de Georges Saint-Pierre, alors que Mike Pierce, on ne connaît pas encore. En tout cas, Ouais. on va voir ce que ça va donner dans l'octogone. Ouais, heureusement, à l'UFC 107 et la carte de combat, je pense qu'est vraiment excellente. Alors, ça perd pas trop. On a d'autres excellents combats avec Chuck Kongo et Frank Mir et on va être là pour faire une belle émission de pré-UFC 107 pour supporter Chuck Kongo et on est sûr qu'on va avoir beaucoup de Français de France qui vont nous écouter ce soir-là. Alors, c'est ça, l'UFC 107 avec BJ Penn aussi et puis Diego Sanchez a quand même encore une belle carte de combat. John Fitch, lui, ben, il se retrouve avec un aspirant qui peut pas perdre, là. Il peut pas, faut pas qu'il perde contre Mike Pierce parce que ça va lui faire mal à son ranking à lui, tandis que Mike Pierce a tout à gagner. Oui, mais il y a un combat aussi qui se rajoute sur cette carte du UFC 106. C'est Josh Koscheck face à Anthony Johnson. On n'en a pas parlé la semaine passée, hein? Oui, ben ça c'est 106 et l'autre c'était UFC 107 parce que c'est ça, Fitch Oui. a passé du 106 au 107 ou en tout cas on est tout mélangé. Mais c'est ça, Anthony Johnson contre Josh Koscheck, c'est un excellent combat aussi. Moi, je pense que toi, je t'ai jamais demandé à vrai dire, mais tu me donnes l'impression que tu aimes bien Josh Koscheck. Moi, Oui. je vais dire que je vois Anthony Johnson va utiliser sa force physique sur Josh Koscheck, puis je pense que Anthony Johnson va en sortir gagnant, d'après moi. Mais j'ai hâte de voir ce combat-là parce que je pense que on va bien comprendre là, l'étendue du talent d'Anthony Johnson. Parce qu'en lutte, je pense, à 170 livres, il y a Georges St-Pierre, qui est vraiment une coche en dessous au-dessus des autres, mais Josh Koscheck, il est vraiment pas piqué des vers, là. Dans son combat face à Georges, là, je pense qu'il a démontré quand même, là, Josh Koscheck, c'est un lutteur très sérieux, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Anthony Johnson face à Josh Koscheck, qui, je pense que Koscheck, évidemment, va peut-être avoir avantage à tenter d'amener le combat au sol. Et je trouve ça intéressant. Les deux s'entraînent à San Jose. Anthony Johnson avec Conley. Puis Conley, lui, s'entraîne également avec Josh Koscheck là, à l'American Kickboxing Academy. Alors les deux doivent se connaître quelque part assez certain là. Ça va être intéressant de voir ça. Puis tu l'as dit là, dans les dernières semaines, Johnson a un gabarit très impressionnant. 5 pieds 10, ça c'est Josh Koscheck. 6 pieds 2 pour Anthony Johnson. Alors, évidemment, un gros avantage au niveau de la portée. Je pense que Koscheck, son plan de match sera d'amener Johnson au sol. Puis ça va nous donner une petite idée. Si Koscheck réussit à amener Johnson au sol facilement, bien là, on va pouvoir comprendre que Georges aura Peut-être des bonnes chances également de parvenir à ses fins face à un éventuel combat. Là, je vois loin dans l'avenir, là. Mais si Koscheck peut le faire, Georges peut le faire encore 2 fois mieux. Alors, ça, c'est un combat qui vous m'intéresse vraiment beaucoup. Puis, si on regarde l'UFC 106 en général, est-ce que c'est digne de ton 49,99 qu'il va falloir que tu payes? Ben quand même, là, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant que le UFC 105. Ortiz face à Griffin, c'est pas cassé, mais quand même, c'est un match retour entre les deux, ça m'intéresse. Caro Parisian, moi j'aime bien son style. Je pense que c'est le judo le mieux adapté à l'heure actuelle en MMA. Face à Dustin Hazlett, Hazlett est pas mauvais au sol également. J'ai pas leur mesure devant moi, mais je pense qu'Hazlett est beaucoup plus grand que Parisian. J'ai hâte de voir ce combat-là. Je pense que Parisian va le gagner parce qu'il est plus tough, là, plus fort Ah physiquement ouais, non, qu'Hazlett. moi je prends Hazlett tout de suite. Je sais pas si t'as eu la chance cette semaine, j'ai mis un de ses combats sur MMA Nouvelle contre Tandem McCrory. Ouais, et la soumission, là, je l'ai pas vue, là, mais je me souviens de la soumission. Je pense qu'une clé de bras inversée, c'était de toutes les beautés. Exactement, moi je suis un grand amateur de Dustin Hazlett et j'aime beaucoup sa barbe. J'espère qu'il l'a pas perdue. Oh, c'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines. Mais il y a d'autres combats intéressants lors de cette carte-là. Jake Roshold va être là pour affronter Kendall Grove. Ça, c'est intéressant. Roshold, là, je me souviens d'un combat dans la WEC, là, une guerre, là, coup pour coup. C'est un gars qui est là qui va à la guerre. Ben Saunders, il est pas mauvais debout face à Marcus Davis. Ça peut être intéressant. C'est pas des gros, gros combats tout cassés, mais il y a des bons combats. Antonio Rogério Nogueira pour la première fois dans le UFC. Il y a évidemment son frère qu'on a vu à quelques reprises, mais là, c'est le 205 livres qu'on va voir en action pour la toute première fois dans le UFC. C'est intéressant. Puis, Kaol Uno, également le japonais. Moi, je l'aime bien, Kaol Uno. Ben, je pense que c'est un vétéran que j'aime bien regarder. Oui, comme je dis souvent, moi je suis amateur de MMA, alors j'aime voir un athlète continuer sa carrière et voir. Il n'y a pas juste le championnat qui est important pour moi. Alors, Kaol Uno, je pense pas qu'il va redevenir au top à 155 livres, mais c'est toujours amusant de le voir. Il a un bon style. Oui, il y a Josh Neer, lui, suite à sa défaite dans son dernier combat, bien, a été coupé du UFC. Alors, on est tous désolés pour Monsieur Neer qui a perdu face à Gleison Thibault. Thibault. Ouais, je l'attendais avec impatience. Eh bien, c'est fini pour lui, pour le UFC. En tout cas, pour l'instant, lui qui s'entraîne avec Pat Miletic, qui a une fiche de 25 victoires, 9 défaites et un combat nul, mais qui est sur 2 défaites consécutives, évidemment, face à Gleison. Et puis l'autre avant, c'était face à Curt Pellegrino. Oui, et je pense qu'on n'a pas encore mentionné la rumeur que Kimbo Slice et Houston Alexander s'affronteraient au Ultimate Fighter Finale 10 en décembre, le 5 décembre. Ça serait un combat à 215 livres. On dit que les deux accepteraient de s'affronter parce que Houston Alexander, normalement, est à 205 et Kimbo, lui, semble un peu trop gros pour descendre à 205. Alors, on va voir Kimbo sûrement bientôt. Kimbo, je trouve que c'est un petit poids lourd quand même, qui aurait avantage s'il veut vraiment persévérer, à réussir à couper à 205. Puis du côté de Houston Alexander, qui n'est pas très complet comme combattant, qui est un petit, je trouve, 205, lui aura avantage. Je ne sais pas si c'est possible pour lui, là, mais essayer de descendre. Là. Alors évidemment, Kimbo va être beaucoup plus gros que lui dans ce combat-là. Mais là, au moins, là, je pense que l'ami Houston Alexander aura pas l'excuse de dire que le combat est allé au sol. Là. Je dis pas qu'il l'a déjà dit, mais c'est parce que, évidemment, sa force est debout à Houston. Au sol, on l'a vu, là, tu sais, il a pas l'air brillant au sol. Loin de là, là il s'est fait facilement défaire Thiago Silva, Eric Schaeffer, que j'ai en mémoire aussi. Mais là, au moins, il sait à quoi s'attendre. Ça va être du coup pour coup et évidemment un avantage au niveau du poids pour Kimbo Slice, mais c'est un combat qui risque d'être très spectaculaire. Oui, ben, ils ont choisi un bon match-up, je pense, pour Kimbo. Honnêtement, moi, à première pensée, je pense que Houston Alexander a un bon stand-up qui pourrait faire mal à Kimbo. Alors, moi, si je regarde les deux, je vois un stand-up supérieur à Alexander et je vois deux gars qui ne voudront pas aller au sol. Alors, on va voir, c'est intéressant. Moi, c'est un combat qui pique ma curiosité. Oh, mais attends, Kimbo, là, je sais que c'est le style bagarreur de rue, mais quand même, il y a une boxe, je trouve, là, assez stylée. Mais Houston aussi a des bons coups de genou en clinch également, effectivement. Mais là, il va avoir un avantage. Là, j'ai pas la portée devant moi, mais sûrement qu'il va favoriser Kimbo. Parce qu'il me semble qu'il est fait bizarre, Houston Alexander. Il me semble qu'il est pas grand. Hein. Oui, mais puis c'est vrai aussi là que je pense que Kimbo, dans son combat contre Roy Nelson, a montré des belles aptitudes. Alors c'est vrai que peut-être Kimbo s'est amélioré. Comme je dis, ça pique ma curiosité. J'ai hâte de voir ce combat-là. Puis c'est dans quel combat là où Houston Alexander s'est fait knocker là, en moins de 10 secondes? C'était face à Herman, non, je me souviens plus de son nom là, celui également après ça qui avait perdu un combat face à Anderson Silva. Je me souviens plus de son Non, nom là. malheureusement, j'ai pas le combat en tête, moi non plus. Ouais. Peu importe là, ça s'était soldé là, tout de suite en début de combat. Son adversaire avait fait un Superman Punch et Houston l'avait bloqué avec sa face, mais ça avait pas fait. Puis le combat s'était terminé là. James Irvin, ça se peut-tu, Maud? Oui, C'est qui? ça, je pense que tu as raison. Ouais, Et ah. je veux juste aussi mentionner une autre chose sur Houston Alexander. Le gars a une belle histoire aussi. C'est un gars que. C'est un père unique et tout. C'est une belle histoire à voir comment il élève ses enfants tout seul. C'est un persévérant. Alors, c'est une autre belle histoire dans le MMA. Faut le mentionner. Oui, et puis suite à l'événement de la semaine passée qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en a fait aller bien des bouches, Lyoto Machida, bon, on peut vous dire qu'il est allé chercher 200 000 $, 155 000 du côté de Mauricio Roy. Et c'est ce qu'on avait dit que Pat Barry, lui, est allé chercher 120 000 $ en bonus, hein, je pense. Eh bien, en salaire, juste pour le combat, c'était seulement 14 000 $. Alors, vous comprendrez que ce 120 000 $ en bonus, ben, ça va lui faire le plus grand bien. Ah, c'est ça pour les salaires. Y a-t-il d'autres patins, d'autres nouvelles, Fred, là, qu'il faut pas passer par-dessus, mais qui va intéresser nos auditeurs? Ben, je pense que ça couvre pas mal tout. Peut-être dire vite que l'UFC, le Ultimate Fight Night aussi, Curt Pellegrino s'est fait blesser. S'est blessé, alors ça va être Matt Veitch qui va prendre sa place. On va revenir après la pause, puis on va parler aussi de l'Ultimate Fighter, puis de Zach Jensen, qui a une nouvelle un peu concernant le milieu du MMA, là. Une nouvelle un peu trouble, noire. Oh, quel suspense, mais ce que j'ai hâte de s'en apprendre davantage, mais avant, un peu de musique. Oui, c'est toujours la voix des guerriers, samedi 1er novembre, jour d'élection municipale ici au Québec. Alors, on est tout heureux là, c'est tellement une belle journée. Vous votez pour essayer de trouver le moins crosseur. En tout cas, c'est comme ça dans quelques municipalités, puis probablement pour la majorité des municipalités québécoises. Et c'est ça. Alors, on vous en a fait la promesse tout à l'heure. Fred, l'homme nouvelle Garcia, lui, ben, il est obligé, il est pris avec ça. Il doit écouter The Ultimate Fighter. Pendant ce temps-là, vous autres, et moi également, on peut se plaire dans d'autres activités quotidiennes, comme je ne sais pas trop quoi, mais en tous les cas, on n'est pas pogné avec ça. Mais lui, Fred, il est pogné pour écouter The Ultimate Fighter. Est-ce que cette semaine, ça a été un peu plus agréable? Bah, je veux dire, honnêtement, d'un point de vue combattant, je suis pas très impressionné cette année par l'Ultimate Fighter. La plupart des gars manquent de souffle. On a eu encore un combat où les gars ont manqué de souffle. Matt Mitrione qui s'est attiré ben des mauvais commentaires à son égard. Pour 3-4 minutes, m'a montré du beau stand-up, mais après ça, il a manqué de souffle complètement. Il affrontait, il me semble, Scott Junk de l'équipe Rampage qui a encore une fois perdu. Le gros moment, je pense, de l'émission, ça a été le combat de Rampage contre la porte. Ça a été très excitant. Mais quel crétin, ce Quinton Jackson. Je crois, il doit être rendu à 6-7 victoires, 6-7 défaites contre aucune victoire. 7. Il reste juste Marcus Jones. Et moi, j'ai fait un sondage, justement, sur MMAnouvelle.com à savoir si le monde pensait que Marcus Jones allait gagner. Parce que moi, faut pas oublier que l'émission est préenregistrée. Et on donne beaucoup d'attention à Marcus Jones, je me rends compte, depuis le début, sans qu'on l'ait vu beaucoup. Et il est présent à l'émission MMA Live, alors peut-être quelque part, c'est parce que Marcus Jones va avancer. Moi, je suis pas convaincu, sauf justement parce que qu'est-ce que j'ai vu de Marcus Jones? Il m'a vraiment rien montré dans les entraînements. Oui, il est peut-être fort et tout, mais il m'a pas montré non plus de belles techniques ou quoi que ce soit. Alors, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça, cet aspect-là, si Marcus Jones peut en remporter une pour l'équipe de Rampage. Puis les gens participent de plus en plus, je trouve, aux questions sondages, ben, tout ce qui se trouve sur MMA Nouvelles. C'est vraiment plaisant de voir ça. Je dois te dire, moi, cette question-là, Marcus Jones, le connaît pas. Et c'est plus difficile pour moi. Mais je sais qu'il y en a qui suivent cette télésérie-là. Ben, cette série-là, The Ultimate Fighter, avec plus d'assiduité que moi en tous les cas, qui sont plus intéressés. Mais je suis pas si certain que ça, que c'est nécessairement si intéressant que ça, que The Ultimate Fighter. Je pense que ça s'essouffle avec les années. Moi, j'ai écouté les deux premières saisons, bon, en DVD, là, puis de bout en bout. J'avais bien aimé, surtout la première saison, avec Chuck Liddell et Randy Couture comme coach. C'était bien fait. Puis il y a plusieurs combattants issus de cette série-là, la première édition, qu'on voit maintenant comme Josh Koscheck, Chris Lieben, Forrest Griffin, Stéphane Bonnard. Puis j'en oublie Mike Swick également. Puis il y a d'autres noms. Là, Matera. Non, mais il était pas dans la première saison. Ah non, c'est la troisième, lui, c'est vrai. Ben c'est ça. Mais là, il me semble, puis j'ai pas écouté tous les épisodes, seulement quelques bouts. Puis j'ai l'impression, là, oui, on est allé chercher Kimbo Slice, puis une chance, parce que sinon, là, cette dixième-là, là, elle aurait été la plus mauvaise, probablement, des dix. Oui, Ken, tu penses-tu que Wes Sims y est heureux que l'émission est finie, le filmage, et il n'a pas besoin de dormir dans la même maison que Zach Jensen en ce moment? Ben, là, c'est vrai que tu ne l'as pas écouté, toi, malheureusement. Non, c'est ça. Là, je sais qu'il explique. Tu vas nous expliquer ça, là, Fred. Je veux savoir. Exactement. Ben, Zach Jensen est celui que Wes Sims a pris pour cible pour toutes ses mauvaises blagues. Et okay. Wes Sims l'a traumatisé, peut-être, l'accusant de beaucoup de choses devant les autres et riant de lui. Et cette semaine, il y a une histoire autour de Zach Jensen très nébuleuse qui est sortie à propos d'un voyage qu'il a eu au Mexique. Pour un spring break, là, qui est les vacances du printemps aux États-Unis. C'est une tradition à chaque année, une semaine de congé, au courant de laquelle il y aurait eu une mort suspecte. Et là, en ce moment, Zach Jensen se fait amener en cour par la famille du défunt à propos de cette mort suspecte, où ce que justement lui agissait en tant que garde du corps et qu'il était présent et tout court, l'histoire semble pointer vers une mort très suspecte, où ce qu'il a été gardé en prison pour quelque temps au Mexique, mais ils l'ont relâché par après. Il a affirmé qu'il avait agi en légitime défense. Le défunt, que j'ai pas son nom, je pense que c'est Gunderson, a été retrouvé, il respirait plus. Alors, il va falloir suivre cette histoire-là qui est un peu bizarre. Zach Jensen semblait aussi très renfermé tout au long de l'émission. Alors, ça fait juste donner un regard plus nébuleux sur lui. Ah, je comprends bien, là. C'est lui qui l'a frappé, mais lui, il plaide la légitime défense, c'est ça? Ah, ben, il est même pas accusé au criminel. Les autorités mexicaines l'ont relâché et il n'y a aucune accusation. C'est une mise, un lawsuit, une mise en demeure, si on veut, de la famille du défunt au civil pour une indemnisation, si on veut. Ça n'a aucun rapport au criminel. Il s'en ira pas en prison vis-à-vis ça. C'est genre, si je vais mettre l'exemple, aux États-Unis, quand O.J. Simpson a été déclaré coupable au civil, il a été... C'est ça, alors, c'est pas une... Il y a aucun emprisonnement qui pourrait arriver par rapport à ça, mais c'est quand même très nébuleux. Parce que vu que le crime est arrivé au Mexique, il pourrait pas avoir d'accusation criminelle aux États-Unis, ça serait les autorités mexicaines, et là je viens de dire crime, j'ai aucune idée si c'est vraiment un crime. C'est ça, alors ça serait les autorités mexicaines qui feraient les investigations par rapport à ça. Bon, ben d'accord. Alors, ça, c'était pour The Ultimate Fighter. Et l'un de ses participants de cette année, lui, y a-t-il déjà combattu jusqu'à maintenant? Oui, il s'était fait éliminer là, par Triangle, là, par celui qui se fait appeler Téton, par Quentin. Et j'ai oublié son nom, là. Schoonover, ça se peut-tu? Oui, exactement, c'est ça. Alors, il n'y a pas vraiment les genres de Téton que j'aime, moi, mais c'est correct. OK. Hey, vous savez, sur mémesnouvelles.com, maintenant, il y a un forum de discussion. On vous invite à y participer. Puis, c'est intéressant. Puis, je vous invite les gens. Vous avez des stages. Vous voulez les faire connaître de nos auditeurs, des lecteurs de Mémé Nouvelles. Mais je pense qu'on est une voix pour ça, là. Nous, on veut participer à faire connaître le sport, puis à l'améliorer, puis à être une espèce de... tu sais, être là pour transmettre les messages. Puis il y a un stage, là, à Bron, j'ai aucune idée c'est où, mais c'est en France, le 14 novembre prochain, de 14h à 18h, au gymnase Gilles Ferré, qui est situé, bon, à Bron, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 53 rue des Essarts. Alors, on vous invite pour les gens qui veulent assister à ce stage-là. C'est un stage de valetudo sous un homme qui s'appelle Junior Barata, qui a combattu en MMA à quelques reprises, qui a une fiche de 5 victoires, 2 défaites et un combat nul. Son dernier combat, il l'avait perdu face à Paul Daly, celui qui est rendu dans le UFC maintenant. Alors, c'est un stage en valetudo, ça peut être intéressant. Alors, on vous invite, si vous voulez plus d'informations à propos de ça, vous allez sur le forum de mmenouvelles.com, puis il y a une section là sur ce stage-là qui aura lieu le 14 novembre, je vous rappelle. Oui, exactement. N'importe quoi comme stage, événement, ou ce que ça risque de parler français, ben partagez ça avec nous, parce que nous autres, on veut atteindre tout le public francophone, en Europe, Québec, partout. Alors, partagez avec nous ce qui se passe dans votre coin. Oui, c'est ça. Puis au Québec aussi, mais là, il semble vraiment, là, on a, il semble avoir beaucoup plus d'auditeurs français, ben, outre-mer. En tous les cas, il n'y a pas assez de Québécois à mon goût. Les Québécois, il va falloir se réveiller pour avoir plus d'informations sur le MMA, mais il va falloir écouter la voix des guerriers. Tu vas-tu les menacer que tu vas chanter la Marseillaise bientôt? Ah, ça pourrait être un beau défi. On pourrait essayer de faire ça éventuellement en duo avec ma voix de ténor accompli et Fred également. Là. Non, ça pourrait donner de quoi, ça. Pour l'émission pré-UFC 107 pour Check Congo. Ouais, ben là, ça semble de plus en plus sérieux. Là. Il va falloir qu'on change de sujet pour que les gens oublient ça. Et il y a également le Temple de la Renommée. On vous en parle depuis longtemps. On travaille là-dessus. On continue à élaborer tout ça. Puis on vous en a parlé dans les dernières semaines. Et bon, pour comprendre un peu le système, là, c'est qu'on y va par tranche de 10 combattants ou de non, là, parce que ça peut être des bâtisseurs également. On en place 10. Puis, je les ai placés sur le forum de discussion. Vous commentez sur ces noms-là. Et par la suite, il y aura sur mmenouvelles.com, dans la section sondage là, ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir voter. Puis ce seront les... je sais pas exactement comment ça peut fonctionner. Est-ce qu'on va vous demander lesquels de ces 5-là devraient faire partie du Temple de la Renommée, et puis qu'on va prendre les cinq qui auront récolté le plus de votes? Probablement quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire que par tranche de 10, bien à chaque fois, on va en garder seulement 5. Puis on va épurer un peu notre liste, parce que là, évidemment, il y a beaucoup de noms qui se retrouvent là. Certains qui ont... d'après moi, en tous les cas, pas leur place là, mais ce sera à vous en décider. Alors, ce sera des rondes comme ça, puis peut-être pas à chaque semaine, mais au courant là, des prochaines semaines, des prochains mois, il y aura toujours une liste de 10 noms à voter pour ceux qui ont leur place ou non, selon vous. Puis, c'est comme ça que ça va fonctionner. Là, on en est à la première ronde. Puis, comme je vous l'ai dit, les 10 premiers noms constitués d'Anderson Silva. Bon, le grand champion du UFC là, qui domine largement. Il y a l'Ukrainien Igor Vavanchkin qui a eu tellement de succès au Pride. Je pense qu'il a été un pionnier. Mark Kerr, qui, bon, là, vraiment pas une belle fiche, mais qui a connu des débuts spectaculaires dans le UFC notamment. Après ça, lorsqu'il a rencontré justement l'Ukrainien Igor Vavanchkin, après ça s'est mal allé pour lui. Il y a eu des problèmes avec les antidouleurs également. Renato Sobral est dans notre liste des 10 également. Travis Fulton est là parce qu'il a fait beaucoup de combats, mais bon, par-delà de ça, rien cassé. Mauricio Roy. Bon, très très jeune là. Pensez pas qu'il ait sa place parce qu'il est encore trop jeune. Wanderlei Silva, bon, lui, je pense, a eu tellement de succès au Pride, je pense qu'il a fait connaître le Pride, a participé à rendre ce sport-là tellement populaire là au Japon, un peu partout sur la planète. David Tank Abbott, oh que c'est ça, hein? Ben oui, que c'est ça. Puis il y a Sakuraba, ben là, hein, le japonais, lui aussi, la grosse vedette japonaise qui a planté tellement de Gracie de manière spectaculaire. Rickson Gracie, bon, c'est une véritable légende. Pas eu une grosse fiche en MMA, mais quand même, Rickson, c'est Rickson. Puis d'après tous les Gracie, c'est le meilleur Gracie de sa génération. C'est Rickson Gracie là. Alors, ce sont les 10 noms qui sont là pour l'instant. Puis, bientôt, là, sur mmenouvelles.com, vous allez pouvoir participer à savoir qui seront les 5 à demeurer dans la course. Puis, il y en aura 5 autres, évidemment, qui seront éliminés. Oui, quand tu parles de ça, Ken, je sais pas pourquoi j'allais t'appeler Dave. Ouf, là là. Ça va pas très bien pour moi aujourd'hui, je trouve. Ouais. Mais c'est ça, quand tu parles de ça, Ken, c'est ça, je m'imagine un peu le petit projet, puis ça va être beau, ça, par élimination, de avoir peut-être genre 6 groupes au premier round et les éliminer pour avoir un second et troisième round après, pour arriver à une finale, là, d'avoir peut-être 5 à 10 premiers représentants, si on veut, pour notre temple de la renommée virtuelle. C'est Et ça. oui, vas-y, vas-y, excuse. Ben, c'est ça, je pense, Fred. C'est important parce que là, il y a beaucoup de noms qui ont été mentionnés. Moi, il y a des noms que je vois tellement pas qui n'ont pas leur place là. Mais ce n'est pas à moi d'en décider. Ce sera à tous nos auditeurs et les lecteurs des Mémé Nouvelles à décider. Mais je pense que c'est important qu'il n'y ait pas trop de noms parce qu'un temple de la renommée, si on veut que ça soit prestigieux, puis là, c'est évident, là, on fait ça avec toute modestie, là. C'est juste un plaisir qu'on se fait entre amateurs de MMA. Mais c'est important qu'il n'y ait pas trop de noms, là. Ben, on pourrait bien en nommer 200, mais à un moment donné, on se ramasse avec des tout nus dans le temple de renommée, puis ça enlève un peu de crédibilité au jeu et au défi qu'on s'est donné. Oui, ben en même temps, je pense qu'on va finaliser tout ça là cette semaine et on va clarifier un peu pour tout le monde comment ça va se passer. Et en même temps aussi, je voulais mentionner, j'avais parlé la semaine passée de jeux questionnaires et tout à venir. Ça s'en vient très rapidement. J'ai eu malheureusement des problèmes un peu cette semaine d'ordinateur, comme je mentionnais. Ça a retardé, ça a mis un frein sur beaucoup de mes projets. Mais ils sont encore là et ils arrivent assez vite. Et gardez un œil sur mmonouvelle.com pour tout ça, que ce soit le jeu questionnaire à venir ou bien le temple de la renommée à venir. On va en parler directement sur mmonouvelle.com, comme ça tout le monde va être au courant, puis on va réussir à faire de quoi de beau. Pour l'instant, vous avez des commentaires, des questions, n'importe quoi, là. Vous voulez nous passer un message, donner votre opinion sur ce qu'on fait comme émission, ou peu importe, c'est sur radio à commercial, mmenouvelles.com que ça se fait. Et on les lit tous, ça c'est certain, puis on essaie de tenir tous vos propos en compte. Puis le but, c'est de s'améliorer. Alors, faites-le si vous en ressentez le besoin. Pour l'instant, moi, je vous invite à aller sur le jeu virtuel, le pari virtuel sur mmenouvelles.com. Il y a une section en haut de l'écran, là. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, évidemment, ça manque à votre vie parce que, il y a tellement de plaisir à récolter là. Donc, en haut, pari virtuel, vous cliquez là-dessus, vous vous inscrivez sur le forum, puis ensuite, s'ouvre à vous là une quantité de plaisirs là qui vont changer votre vie totalement parce que là les prochains paris vont se prendre assez rapidement puisque l'événement de Strike Force est la semaine prochaine. Alors vous avez Fedor Emelianenko face à Brett Rogers, Jake Shields, Jason Miller, puis tout ça. Il y a également l'événement du UFC qui s'en vient également, donc vous pouvez parier déjà. Mettre vos crédits et avoir beaucoup de plaisir. On vous rappelle, c'est complètement gratuit, mais le bonheur est assuré. Oui, exactement, c'est pour s'amuser. Tout est pour s'amuser, faut sourire, faut pas se chicaner non plus sur les textes. On a tous le droit à notre opinion, faut pas prendre ça trop personnel dans la vie. Bah oui, puis tu sais, les amateurs de Shogun, bon, vous avez tout tort, mais c'est pas grave, vous avez le droit à vos opinions. Ouais, mais Ah, on va prouver qu'on avait raison dans oui, quelques mois. Une fois que Machida règle son supposé problème de main et non problème de plan de match. ouais, puis d'ailleurs, on a vu tous les chiffres qui ont sorti qui donnent l'avantage. De manière, je dirais pas presque incontestée, là, à Mauricio Roy. En chiffres, ça c'est clair que je pense que Roy. Honnêtement, Machida, moi, pour moi, a gagné les deux premiers. Le troisième, je m'en souviens pas, mais les deux derniers, c'était à Rua facilement. Et les derniers engagements sont, tant qu'à moi, plus importants, là. Moi, j'étais tellement un fan de Machida. Je dois dire qu'un combat nul, là, ça m'aurait, j'aurais été satisfait. Mais l'important, c'est qu'on aura un combat revanche, puis c'est ça qui est parfait. Puis là, je pense que Fred, là, tu dois être convaincu. T'as vu, je pense qu'il y a jamais eu autant de commentaires sur MMAnouvelles.com que ce combat-là a attiré, puis partout là sur d'autres sites, puis dans les combattants entre eux, je pense que c'est un combat qui va être très attendu, que ce combat revanche-là, et ça serait parfait que ça se déroule à Montréal, mais là je pense pas parce que ça va sûrement avoir lieu avant avril prochain. Ouais, mais tu vois, regarde, avec Georges St-Pierre qui combattra pas avant le mois de mars, mais j'espère qu'il combattra juste au mois d'avril, puis que ça soit au mois à Montréal. Oui, peut-être avec un retour de Patrick Côté et tout ça. Ah, oh, que de fantasmes. Là-dessus, je pense que c'est terminé avant que moins que Fred ait quelque chose à nous dire là, qui pourrait changer nos vies complètement. Non, un simple bonne semaine à tous. Ah, oh, mais c'est fait avec tellement d'intention, hein? Alors, bonne semaine à tous et soyez là samedi prochain, émission spéciale. En direct ou pas? On ne le sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va sûrement être disponible aux alentours de 20 h. Là, j'imagine, dans la journée de samedi, on vous invite de suivre ça sur le site mmnouvelles.com pour voir ce qui va en être. Parce que oui, on s'organise quelque chose de spécial pour le UFC, mais il faut le faire également pour le gala de Strike Force qui va être très intéressant. Alors, si vous voulez être bien préparé pour le Strike Force qui va être disponible sur CBS, il faut absolument écouter La Voix des Guerriers, édition spéciale, samedi prochain. Sinon, en émission régulière, dimanche prochain, ce sera le 7 novembre. Et à cette émission-là, on va discuter évidemment des résultats du gala du Strike Force. On aura quoi d'autre comme discussion? Alors, je vais regarder ça à l'instant pour vous dire qu'on aura une émission chargée, puisqu'en plus des résultats des galas de Strike Force et de Sangoku, dans notre émission régulière de la semaine prochaine, il sera question rapidement de gala qui aura lieu au Québec Ringside. Il y aura également le UFC 105 qui a lieu le 14 novembre. Alors, à ne pas manquer. Puis évidemment, après ça, il y a d'autres événements qui intéressent particulièrement mon ami Fred Garcia de la WEC. Ça sera dans une autre émission, mais ça s'en vient rapidement le 18 novembre et le UFC 106 le 21 novembre. Alors, chers amateurs de MMA, bonne semaine et à samedi prochain pour notre émission spéciale.